Chapitre 7e. Prince cruel aux ordres du destin. Don Luis s'adressa de nouveau à Vorski. « Nous sommes bien d'accord, camarade. Tout ce que je dis est l'expression exacte de la vérité, n'est-ce pas ?» Vorski avait fermé les yeux, sa tête doucement penchée, et les veines de son front étaient démesurément grossies. Pour couper court à toute intervention de Stéphane, Don Luis s'écria « Tu parleras, mon vieux. Hein ? La douleur commence à devenir sérieuse. Le cerveau chavire. Rappelle-toi, un coup de sifflet. Maman, les petits bateaux. Et j'interromps mon discours. Tu ne veux pas ? Tu n'es pas encore mûr. Tant pis. Et vous, Stéphane, ne craignez rien pour François. Je réponds de tout. Mais pas de pitié pour ce monstre, je vous en prie. Ah non, mille fois non. N'oublions pas qu'il a tout préparé et tout combiné, froidement et librement. N'oublions pas. Mais je m'emballe. Inutile. » Don Luis déplia la feuille du carnet où Vorski avait inscrit la prophétie et poursuivit en la tenant sous ses yeux. « Ce qu'il me reste à dire a moins d'importance. La grande explication générale étant donnée, mais il faut bien cependant entrer dans quelques détails. Démonter le mécanisme de l'affaire imaginée et construite par Vorski et finalement arriver au rôle joué par notre sympathique vieux druide. Ainsi donc, nous voici au mois de juin. C'est l'époque fixée pour l'exécution des 30 victimes. Évidemment, elle a été fixée par le frère Thomas parce que juin rime avec Cain et avec destin. De même que l'année 14 et 3 s'accouple avec effroi et croix. De même que le frère Thomas s'est arrêté au nombre de 30 victimes parce que c'est le nombre des écueils et des dolmens de Sarek. Mais pour Vorski, la consigne est formelle. En juin 17, il faut 30 victimes. On les aura. À condition cependant que les 29 habitants de Sarek, nous verrons tout à l'heure que Vorski a sous la main sa 30e victime, veuillent bien rester dans l'île et attendre leur immolation. Or voilà que soudain, Vorski apprend le départ d'Honorine et de Magnok. Honorine reviendra à temps, mais Magnok. Vorski n'hésite pas. Il lance sur ses traces Elfried et Conrad avec ordre de le tuer et d'attendre. Il hésite d'autant moins qu'il suppose, d'après certaines paroles entendues, que Magnok a emporté avec lui la pierre précieuse, le bijou miraculeux auquel on ne peut toucher, mais qu'on doit laisser dans son étui de plomb. C'est l'expression même de Magnok. Elfriede et Conrad partent donc. Dans une auberge, un matin, Elfriede mêle du poison à la tasse de café qu'avale Magnok. La prophétie n'annonce-t-elle pas qu'il y aura empoisonnement ? Magnok reprend sa route, mais au bout de quelques heures, il est pris de souffrances intolérables et meurt, presque instantanément, sur le bord du talus. Elfriede et Conrad accourent, fouillent et vident les poches, rien, pas de bijoux, pas de pierres précieuses. Les espérances de Vorski ne sont pas réalisées. Tout de même, le cadavre est là. Qu'en faire ? On le jette provisoirement dans une cabane à moitié démolie, où quelques mois auparavant ont déjà passé Vorski et ses complices. C'est là que Véronique d'Hergemont le découvre, et c'est là qu'elle ne le retrouve plus une heure après. Elfriede et Conrad, qui surveillent aux alentours, l'ayant fait disparaître et l'ayant caché, toujours provisoirement, dans les caves d'un petit château abandonné. Edain. En passant, notons que les prédictions de Magnok relativement à l'ordre dans lequel seront exécutées les 30 victimes, à commencer par lui, ne reposent sur rien. La prophétie n'en parle pas. En tout cas, Vorski agit au petit bonheur. À Sarek, il enlève François et Stéphane Maroux, puis autant par précaution que pour traverser l'île sans attirer l'attention et pour pénétrer plus facilement au prieuré, il endosse les vêtements de Stéphane, tandis que Reynold revêt ceux de François. La tâche d'ailleurs est facile. Il n'y a dans la maison qu'un vieillard, M. d'Hergemont, et une femme, Marie Le Goff. Dès qu'ils seront supprimés, on fouillera les chambres, et principalement celle de Magnok. Qui sait en effet, se demande Vorski, lequel ignore encore le résultat de l'expédition d'Elfried, qui sait si Magnok n'a pas laissé au prieuré le bijou miraculeux ? Première victime, la cuisinière Marie Le Goff, que Vorski saisit à la gorge et frappe d'un coup de couteau. Mais il arrive qu'un flot de sang inonde le visage du bandit. Pris de peur, en proie à l'une de ces crises de lâcheté auxquelles il est sujet, il s'enfuit après avoir déchaîné Reynold contre M. d'Hergemont. Entre l'enfant et le vieillard, la lutte est longue. Elle se poursuit à travers la maison et par un hasard tragique s'achève sous les yeux de Véronique d'Hergemont. M. d'Hergemont est tué. Au même moment, Honorine arrive. Elle tombe. Quatrième victime. Les événements se précipitent. Au cours de la nuit, la panique commence. Les habitants de Sarek, affolés, voyant que les prédictions de Magnoc s'accomplissent et que l'heure de la catastrophe qui menace leur île depuis si longtemps va sonner, décident de partir. C'est ce qu'attendent Vorski et son fils. Postés sur le canot automobile qu'ils ont dérobé, ils s'élancent vers les fugitifs et c'est la chasse abominable, le grand coup annoncé par le frère Thomas. Il y aura naufrage, deuil et crime. Honorine, qui assiste au spectacle et dont le cerveau est déjà fort ébranlé, devient folle et se jette du haut de la falaise. Là-dessus, quelques jours d'accalmie durant lesquels Véronique d'Hergemont explore, sans être inquiétée, le prieuré de l'île de Sarek. En effet, le père et le fils, après leur chasse fructueuse, laissant seul Otto qui passe son temps à boire dans les cellules, sont partis sur le canot pour chercher Elfriede et Conrad, pour amener le cadavre de Magnoc et le jeter à l'eau en vue de Sarek, puisque Magnoc a son domicile marqué et obligatoire parmi les 30 cercueils. À ce moment, c'est-à-dire lorsqu'il revient à Sarek, Vorski en est au chiffre de 24. Stéphane et François, surveillés par Otto, sont captifs. Restent quatre femmes réservées au supplice, dont les trois sœurs Archinia, toutes trois enfermées dans leur cellier. C'est leur tour. Véronique d'Hergemont essaie bien de les délivrer. Trop tard. Guettée par la bande, visée par Reynold, qui est un habile tireur à l'arc, les sœurs Archinia sont atteintes par les flèches ordre de la prophétie, et tombent aux mains de l'ennemi. Le soir même, elles sont accrochées à trois chaînes, non sans que Vorski les eût au préalable allégées des 50 billets de 1000 qu'elles cachaient sur elles. Résultat, 29 victimes. Qui sera la 30e? Qui sera la 4e femme? Don Luis fit une pause et reprit. Sur cette question, la prophétie est très claire, et cela en deux endroits qui se complètent. Devant sa mère, Abel tuera Caïn, et quelques vers après, ayant oxy l'épouse un soir de juin. Vorski, lui, dès qu'il avait eu connaissance du document, avait interprété les deux vers à sa façon. Ne pouvant en effet, à cette époque, disposer de Véronique, qu'il avait vainement cherchée par toute la France, il biaise avec les ordres du destin. La quatrième femme torturée sera bien une épouse, mais sa première épouse, Elfriede. Et cela n'ira pas absolument à l'encontre de la prophétie, car il peut s'agir, à la rigueur, de la mère de Caïn aussi bien que de la mère d'Abel. Et notons que l'autre prédiction, qui lui fut faite jadis, à lui personnellement, ne désignait pas davantage celle qui devait mourir. La femme de Vorski périra sur la croix. Quelle femme? Elfriede. Donc, la chère et dévouée complice périra. Gros crève-cœur pour Vorski. Mais ne faut-il pas obéir au dieu Moloch? Et si Vorski, pour accomplir sa tâche, s'est décidé à sacrifier son fils Reynold, il serait inexcusable s'il ne sacrifiait pas sa femme Elfriede. Et ainsi, tout ira bien. Mais brusquement, coup de théâtre. Tandis qu'il poursuit les sœurs Archinia, il aperçoit et il reconnaît Véronique d'Hergemont. Comment un homme comme Vorski n'aurait-il pas vu là encore une faveur des puissances supérieures? La femme, qu'il n'a jamais oubliée, lui est envoyée à l'instant même, elle doit prendre sa place dans la grande aventure. On la lui donne comme une proie merveilleuse qu'il va pouvoir immoler ou conquérir. Quelle perspective! Et comme le ciel s'illumine de clartés imprévues, Vorski en perd la tête. Il se croit de plus en plus le Messie, l'élu, le missionnaire, l'homme qui est aux ordres du destin. Il se rattache à la lignée des grands prêtres, gardiens de la pierre Dieu. Il est druide, archidruide, et comme tel, la nuit où Véronique d'Hergemont a brûlé le pont, cette nuit qui est la 6e après la lune, il va couper le gui sacré avec une faucille d'or. Et le siège du prieuré commence. Je n'insiste pas. Véronique d'Hergemont vous a tout raconté, Stéphane, et nous connaissons ses souffrances, le rôle que joue le délicieux tout va bien, la découverte du souterrain et des cellules, la lutte autour de François, la lutte autour de vous, Stéphane, que Vorski a emprisonné dans une des cellules de torture appelée, par la prophétie, chambre de mort. Vous y êtes surpris avec Madame d'Hergemont. Le jeune monstre Reynold vous rejette à la mer. François et sa mère s'échappent. Malheureusement, Borski et sa bande ont pu arriver jusqu'au prieuré. François est pris, sa mère le rejoint, et puis ce sont les scènes les plus tragiques, sur lesquelles je n'insiste pas davantage, l'entrevue avec Borski et Véronique d'Hergemont, le duel entre les deux frères, entre Abel et Caïn, sous les yeux même de Véronique d'Hergemont. La prophétie ne l'exige-t-elle pas? Devant sa mère, Abel tuera Caïn. Et la prophétie exige également qu'elle souffre au-delà de toute expression et que Borski soit un raffiné du mal. Prince cruel, il met un masque aux deux combattants, et comme Abel est sur le point d'être vaincu, lui-même, il blesse Caïn pour que ce soit Caïn qui soit tué. Le monstre est fou. Il est fou et il est ivre. Le dénouement approche. Il boit, car le soir même, c'est le supplice de Véronique d'Hergemont. Par mille morts et par lente agonie, ayant oxy l'épouse. Les mille morts, Véronique les a subis, et l'agonie sera lente. Voici l'heure. Souper, cortège funèbre, préparatif, érection de l'échelle, établissement des cordes, et puis le vieux druide. Don Luis n'avait pas prononcé ces deux mots qu'il éclata de rire. Ah là, par exemple, ça devient drôle. À partir de ce moment, le drame côtoie la comédie, et le burlesque se mêle au macabre. Ah, ce vieux druide, quel sacré pistolet! Pour vous, Stéphane, et pour vous, Patrice, qui fûtes dans la coulisse, l'histoire n'a plus d'intérêt. Mais pour Vorski, quelle passionnante révélation! Dis donc, Otto, appuie l'échelle contre le tronc d'arbre de manière que ton patron puisse poser les pieds sur l'échelon supérieur. Bien. Un, ça te soulage, Vorski. Note que mon attention ne vient pas d'un sentiment de pitié absurde, non. Mais j'ai un peu peur que tu ne tournes l'œil. Et de plus, je tiens à ce que tu sois en bonne posture pour écouter la confession du vieux druide. Nouvel éclat de rire. Décidément, le vieux druide excitait l'hilarité de Don Luis. L'arrivée du vieux druide, dit-il, apporte dans l'aventure l'ordre et la raison. Ceux qui étaient décousus et lâches se resserrent. L'incohérence dans le crime devient la logique dans le châtiment. Ce n'est plus l'obéissance au bourrimé du frère Thomas, mais la soumission au bon sens, la méthode rigoureuse d'un homme qui sait ce qu'il veut et qui n'a pas de temps à perdre. Vraiment, le vieux druide mérite toute notre admiration. Le vieux druide, que nous pourrions appeler indifféremment, tu t'en doutes, n'est-ce pas, Don Luis Perena ou Arsène Lupin, ne savait pas grand-chose de l'histoire lorsque le périscope de son sous-marin, le bouchon de cristal, émergea en vue des côtes de Sarek hier vers midi. « Pas grand-chose ?» s'écria malgré lui Stéphane Marou. « Autant dire rien du tout, » affirma Don Luis. « Comment ? Mais tous ces détails sur le passé de Vorski, toutes ces précisions sur ce qu'il a fait à Sarek, sur ses projets, sur le rôle d'Elfride, sur l'empoisonnement de Magnok ?»« Tout cela, » déclara Don Luis, « je l'ai appris ici même depuis hier. Mais par qui ? Nous ne nous avons pas quittés ?» Croyez-moi quand je vous dis que le vieux druide, en abordant hier sur les côtes de Sarek, ne savait rien du tout. Mais le vieux druide a la prétention d'être, au moins autant que toi, Vorski, favorisé des dieux. Et de fait, tout de suite, il eut la chance d'apercevoir sur une petite plage isolée l'ami Stéphane, qui, lui, avait eu la chance de tomber dans une poche d'eau assez profonde et ainsi d'échapper au sort que ton fils et toi lui réserviez. Sauvetage, conversation. En une demi-heure, le vieux druide était renseigné. Aussitôt, recherche. Et il finit par atteindre les cellules, où il trouve dans la tienne, Vorski, une tunique blanche nécessaire à son emploi, puis sur un bout de papier, une copie, écrite par toi, de la prophétie. À merveille. Le vieux druide connaît le plan de l'ennemi. Il suit d'abord le tunnel par où François et sa mère se sont enfuis, mais ne peut passer à cause de l'éboulement produit. Il retourne sur ses pas et débouche aux Landes Noires. Exploration de l'île. Rencontre d'Otto et de Conrad. L'ennemi brûle la passerelle. Il est 6 heures du soir. Comment atteindre le prieuré ? Par la montée de la poterne, dit Stéphane. Le vieux druide regagne le bouchon de cristal. On contourne l'île sous la direction de Stéphane, qui connaît toutes les passes. Et d'ailleurs, le bouchon de cristal, mon cher Borski, est un sous-marin docile, qui se glisse partout, et que le vieux druide a fait construire d'après ses propres plans. Et enfin, on accoste à l'endroit où est accrochée la barque de François. Là, rencontre de tout va bien, qui dort au-dessous de la barque même. Présentation du vieux druide. Sympathie immédiate. On se met en route. Mais à mi-chemin de la montée, tout va bien bifurque. La paroi de la falaise est comme rapiécée à cet endroit par des moellons en équilibre. Au milieu de ces moellons, un trou que Magnoc a pratiqué. Le vieux druide s'en est rendu compte depuis, pour pénétrer dans la salle des sacrifices souterrains et dans les cryptes mortuaires. Ainsi, le vieux druide se trouve au cœur de toute l'intrigue, maître en dessus et maître en dessous. Seulement, il est 8 heures du soir. Pour François, pas d'inquiétude immédiate. La prophétie annonce Abel tuera Caïn. Mais Véronique d'Hergemont, qui doit périr un soir de juin, a-t-elle subi l'abominable torture? Arriverait-on trop tard pour la secourir? Don Luis se tourna vers Stéphane. Vous vous rappelez, Stéphane, les angoisses par lesquelles le vieux druide et vous avez passé, et votre joie, lorsque vous avez découvert l'arbre préparé avec l'inscription VD'H. Sur cet arbre, nulle victime encore. Véronique sera sauvée, de fait. On entend un bruit de voix qui vient du prieuré. C'est le cortège sinistre. Parmi les ténèbres qui s'épaississent, il monte lentement le long des pelouses. La lanterne s'agite. Une halte. Borski pérore. Le dénouement approche. Bientôt, ce sera l'assaut et ce sera la délivrance de Véronique. Mais là se place un incident qui va t'amuser. Borski. Oui, une étrange découverte que nous faisons, mes amis et moi. La découverte d'une femme qui rôde autour du dolmen et qui à notre rencontre se cache. On s'empare d'elle. À la lueur d'une lampe électrique, Stéphane la reconnaît. « Sais-tu qui c'était, Borski ?»« Je te le donne en sang, Elfried. »« Oui, Elfried est ta complice, celle que tu voulais tout d'abord mettre en croix. C'est curieux, n'est-ce pas ?» Très surexcitée, à demi folle, elle nous raconte qu'elle avait consenti au duel des deux enfants sur la promesse que son fils serait vainqueur et tuerait le fils de Véronique. Mais tu l'as enfermé dès le matin et le soir, quand elle a réussi à s'échapper, c'est le cadavre de son fils Reynold qu'elle a découvert. Maintenant, elle vient assister au supplice de la rivale qu'elle déteste, puis se venger de toi et te tuer, mon pauvre vieux. Parfait. Le vieux druide approuve, et tandis que tu approches du dolmen et que Stéphane te guette, il continue à interroger Elfried. Mais soudain, ne voilà-t-il pas qu'en entendant ta voix, Borski, ne voilà-t-il pas que la gueuse se rebiffe? Revirement imprévu. La voix du maître la soulève d'une ardeur sans pareille. Elle veut te voir, t'avertir du péril, te sauver, et subitement, elle se jette sur le vieux druide, un poignard à la main. Le vieux druide est contraint de l'assommer à moitié pour se défendre, et aussitôt, en face de cette moribonde, il discerne le parti qu'il peut tirer de l'événement. En un clin d'œil, la vilaine créature est attachée. C'est toi-même qui la châtiera, Borski, et elle subira le sort que tu lui avais préalablement réservé. Le vieux druide passe alors sa tunique à Stéphane, lui donne ses instructions, tire une flèche de ton côté dès que tu arrives, et pendant que tu cours à la poursuite d'une tunique blanche, il procède à l'escamotage et substitue Elfried à Véronique, la première épouse à la seconde. Comment ? Ça ne te regarde pas. Toujours est-il que le tour est joué, et tu sais à quel point il a réussi. Don Luis reprit haleine. On eût dit vraiment, à son ton de confidence familière, qu'il racontait à Borski une histoire plaisante, une bonne farce, dont Borski devait être le premier à rire. « Ce n'est pas tout, » continua-t-il. « Patrice Belval et quelques-uns de mes Marocains, pour ta gouverne, il y en a 18 à bord, ont travaillé dans les salles souterraines. La prophétie n'est-elle pas catégorique ? Dès que l'épouse aura rendu le dernier soupir, flammes et fracas jailliront de la terre, à l'endroit même où gît le grand trésor. » « Bien entendu, le frère Thomas n'a jamais su où gisait le grand trésor, ni personne au monde. Mais le vieux druide l'a deviné. Et il veut que Borski ait son signal et lui tombe tout rôti dans le bec comme une alouette. Pour cela, il faut une issue qui débouche près du dolmen aux fées. Le capitaine Belval la cherche et la trouve, Magnoc ayant déjà commencé les travaux de ce côté. On déblaye un ancien escalier. On déblaye l'intérieur de l'arbre mort. On prend dans le sous-marin et on place des cartouches de dynamite et des fusées d'avertissement. Et lorsque, du haut de ton perchoir, Borski, tu clames comme un héros, « Elle est morte! La quatrième femme est morte sur la croix !» Pan, pan, coup de tonnerre, flamme et fracas, tout le tremblement. Ça y est, tu es de plus en plus le chéri des dieux, le chouchou du destin, et tu brûles du noble désir de te jeter dans le tuyau de la cheminée et d'avaler la pierre Dieu. Le lendemain donc, après avoir cuvé ton 3-6 et ton rhum, tu rappliques la bouche en cœur. Tu as tué tes 30 victimes, selon les rites du frère Thomas. Tu as surmonté tous les obstacles, la prophétie est accomplie. Et l'homme enfin retrouvera la pierre, jadis volée aux barbares du Nord, la pierre Dieu qui donne vie ou mort. Le vieux druide n'a qu'à s'exécuter et à t'offrir la clé du paradis. Mais tout d'abord, bien entendu, un petit intermède, quelques entrechats et tours de sorcellerie, histoire de rigoler un brin. Et en avant la pierre Dieu, qui garde la belle au bois dormant. Don Luis exécuta vivement quelques-uns de ces entrechats, pour lesquels il semblait avoir tant de prédilection. Puis il dit à Vorski, « Mon vieux, j'ai comme une impression confuse que tu en as assez de mon discours et que tu aimerais mieux me révéler tout de suite la retraite de François plutôt que d'en entendre davantage. Désolé. Il faut cependant bien que tu saches à quoi t'en tenir sur la belle au bois dormant et sur la présence insolite de Véronique d'Hergemont. 2 minutes suffiront d'ailleurs. Excuse-moi. » Et Don Luis reprit, laissant désormais de côté le vieux druide et parlant en son propre nom. Oui, pourquoi ai-je transporté Véronique d'Hergemont à cet endroit après l'avoir arrachée à tes griffes? Ma réponse est bien simple. Où voulais-tu que je la transportasse? Dans le sous-marin? Ta proposition est absurde. La mer était démontée cette nuit et Véronique avait besoin de repos. Au prieuré? Jamais de la vie. C'eût été trop loin du théâtre des opérations et je n'aurais pas été tranquille. En vérité, il n'y avait qu'un endroit à l'abri de la tempête et à l'abri de tes coups, la salle des sacrifices, et c'est pourquoi je l'y apportais, et c'est pourquoi elle dormait là, paisiblement, sous l'influence d'un bon narcotique quand tu l'as vue. J'avoue encore que le plaisir de te procurer ce petit spectacle était bien pour quelque chose dans ma résolution. Est-ce que j'en fus récompensé? Non, mais rappelle-toi la gueule que tu as faite. Vision horrible, Véronique ressuscitée, la morte vivante. Vision tellement horrible que tu détales au galop. Mais j'abrège. Tu trouves l'issue bouchée, sur quoi tu te ravises. Retour offensif de Conrad, lequel m'attaque sournoisement pendant que je m'occupais du transport de Véronique d'Hergemont dans le sous-marin. Conrad reçoit d'un de mes Marocains un coup funeste. Second intermède comique. Conrad, affublé de la tunique du vieux druide, est étendu dans une des cryptes, et naturellement, ton premier soin est de sauter dessus et de t'acharner après lui. Et quand tu aperçois le cadavre d'Elfride qui a pris sur la table sacrée la place de Véronique d'Hergemont, vite! Tu sautes encore dessus et tu réduis en bouillie celle que tu as déjà crucifiée. Toujours la gaffe. Et alors, le dénouement, également dans la note comique. Tu es suspendu au poteau de torture tandis que je t'envoie en pleine figure un discours qui t'achève et d'où il ressort que si tu as conquis la pierre Dieu par la vertu de tes 30 crimes, c'est moi qui en prends possession par ma propre vertu. Voici toute l'aventure, mon bon Vorski. Sauf quelques petits incidents secondaires ou d'autres plus importants que tu n'as pas besoin de connaître, tu en sais aussi long que moi. Confortablement installé, tu as eu tout le temps de réfléchir. J'attends donc ta réponse au sujet de François, en toute confiance. Allons, vas-y de ta chanson. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Ça y est, tu y es, tu bavardes? Don Luis avait monté quelques échelons. Stéphane et Patrice étaient approchés et anxieusement prêtaient l'oreille. Il était évident que Vorski allait parler. Il avait ouvert les yeux et regardait Don Luis d'un regard où il y avait à la fois de la haine et de la crainte. Cet homme extraordinaire devait lui apparaître comme un de ceux contre lesquels il est absolument inutile de lutter, et dont il est non moins inutile d'implorer la compassion. Don Luis représentait le vainqueur, et devant celui qui est le plus fort, on cède ou on s'humilie. D'ailleurs, il était à bout de résistance, le supplice devenait intolérable. Il dit quelques mots d'une voix inintelligible. « Un ton plus haut ?» fit Don Luis. « Je n'entends pas. Où est François d'Hergemont ?» Il s'éleva sur l'échelle, Vorski balbutia. « Je serai libre. »« Sur l'honneur. Nous partirons tous d'ici, sauf Otto, qui te délivrera. »« Tout de suite ?»« Tout de suite. »« Alors ?»« Alors ?»« Voici. François est vivant. »« Bougre de veau, je n'en doute pas, mais où est-il » »« Attaché dans la barque. »« Celle qui est suspendue au pied de la falaise ?»« Oui. » Don Luis se frappa le front. « Triple idiot !»« Ne fais pas attention, c'est de moi que je parle. » Eh oui, j'aurais dû deviner cela. Est-ce que tout va bien ne dormait pas sous cette barque, paisiblement, comme un bon chien qui dort près de son maître? Est-ce que tout va bien lorsqu'on l'a lancé sur la piste de François n'a pas conduit Stéphane auprès de cette barque? Vrai, il y a des fois où les plus habiles agissent comme des ânes. Mais toi, Borski, tu savais donc qu'il y avait là une descente et une barque depuis hier. Et toi, malin, tu avais l'intention de filer dessus? Oui. Eh bien, tu fileras dessus, Borski, avec Otto. Je te la laisse. Stéphane? Mais Stéphane Maroux courait déjà vers la falaise, escorté de tout va bien. « Délivrez François, Stéphane !» cria Don Luis, et il ajouta, s'adressant au Marocain, « Aidez-le, vous autres, et mettez le sous-marin en marche. D'ici 10 minutes, on part. » Il se retourna du côté de Vorski. « Adieu, cher ami. Ah, un mot encore. Dans toute aventure bien ordonnée, il y a une intrigue amoureuse. La nôtre paraît en être dépourvue, car je n'oserais pas faire allusion au sentiment qui te poussait vers la sainte créature qui portait ton nom. Cependant, je dois te signaler un très pur et très noble amour. Tu as vu l'empressement avec lequel Stéphane volait au secours de François. Évidemment, il aime bien son jeune élève, mais il aime encore plus sa mère. Et puisque tout ce qui est agréable à Véronique d'Hergemont ne peut que te faire plaisir, je préfère t'avouer qu'il ne lui est pas indifférent. Que cet amour admirable a touché son cœur de femme, qu'elle a retrouvé ce matin Stéphane avec une véritable joie, et que tout cela finira par un mariage. Dès qu'elle sera veuve, bien entendu. Tu me comprends, n'est-ce pas? Le seul obstacle à leur bonheur, c'est toi. Alors, comme tu es un parfait gentleman, tu ne voudras pas... Mais je n'en dis pas plus long. Je compte sur ton savoir-vivre pour mourir le plus tôt possible. Adieu, mon vieux. Je ne te donne pas la main, mais le cœur y est. Otto, dans 10 minutes. Et sauf avis contraire, détache ton patron. Vous trouverez la barque au bas de la falaise. Bonne chance, les amis. » C'était fini. Entre Don Luis et Vorski, la bataille se terminait sans que l'issue en eût été douteuse un seul instant. Depuis la première minute, l'un des deux adversaires avait tellement dominé l'autre que celui-ci, malgré toute son audace et son entraînement de criminel, n'avait plus été qu'un pantin désarticulé, grotesque et absurde. Ayant réussi dans l'exécution intégrale de son plan, ayant atteint et dépassé le but victorieux, maître des événements, il se trouvait tout à coup accroché à l'arbre du supplice et restait là, pantelant et captif comme un insecte épinglé sur un bouchon de liège. Sans s'occuper davantage de sa victime, Don Luis entraîna Patrice Belval qui ne put s'empêcher de lui dire « Tout de même, c'est donner beau jeu à ces ignobles personnages. » « Bon, ils ne tarderont pas à se faire pincer ailleurs, » ricana Don Luis. « Que voulez-vous qu'ils fassent ?»« Mais tout d'abord, prendre la pierre Dieu. Impossible. Il faut 20 hommes pour cela, un échafaudage, un matériel. Moi-même, j'y renonce actuellement. Je reviendrai après la guerre. »« Mais voyons, Don Luis, qu'est-ce que c'est que cette pierre miraculeuse ?»« Petit curieux, va, » fit Don Luis sans répondre autrement. Ils partirent. Et Don Luis prononça en se frottant les mains « J'ai bien manœuvré. Il n'y a pas beaucoup plus de 24 heures que nous débarquions à Sarek. Et il y avait 24 siècles que durait l'énigme. 1 heure par siècle. Mes compliments, Lupin. » « Je vous ferai volontiers les miens, Don Luis, » dit Patrice Belval, « mais ils ne valent pas ceux d'un connaisseur comme vous. » Quand ils arrivèrent sur le sable de la petite grève, la barque de François, déjà descendue, était vide. Plus loin, à droite, le bouchon de cristal flottait sur la mer paisible. François courut à leur rencontre et s'arrêta net à quelques pas de Don Luis, le considérant avec des yeux agrandis. « Alors, murmura-t-il, c'est vous que j'attendais ?»« Ma foi, » fit Don Luis en riant, « je ne sais pas si tu m'attendais, mais je suis sûr que c'est bien moi. »« Vous ?» « Vous, Don Luis Perena, c'est-à-dire... »« Chut, pas d'autre nom. Perena me suffit. »« Et puis ne parlons pas de moi, veux-tu ? Moi, j'ai été le hasard, le monsieur qui passe et qui tombe à pic. Tandis que toi, fichtre, mon petit, tu t'en es rudement bien tiré. Ainsi tu as passé la nuit dans cette barque. » ?»« Oui, sous la bâche qui la recouvrait, attachée au fond et solidement bâillonnée. » »« Inquiet ? Nullement. Il n'y avait pas un quart d'heure que j'étais là que tout va bien survenait. » Par conséquent, mais cet homme, ce bandit, de quoi t'avait-il menacé? De rien. Après le duel, et pendant que les autres s'occupaient de mon adversaire, il m'avait conduit ici, soi-disant, pour me ramener à maman et nous embarquer tous deux, puis arrivé près de la barre qu'il m'a empoignée sans un mot. « Tu le connais, cet homme ? Tu connais son nom ?»« J'ignore tout de lui. Je sais seulement qu'il nous persécutait, maman et moi, pour des raisons que je te dirai, mon petit François. En tout cas, tu n'as plus rien à craindre de lui. Oh, vous ne l'avez pas tué ? Non, mais je l'ai rendu inoffensif. Tout cela te sera expliqué. Mais je crois que pour l'instant, ce que nous avons de plus pressé, c'est de rejoindre ta mère. » Stéphane m'a dit qu'elle se reposait là, dans le sous-marin, et que vous l'aviez sauvée elle aussi. Elle m'attend, n'est-ce pas ? Oui, cette nuit, elle et moi, nous avons causé, et je lui ai promis de te retrouver. J'ai senti qu'elle avait confiance en moi. Tout de même, Stéphane, il vaut mieux que vous alliez en avant et que vous la prépariez. À droite, au bout d'une chaîne de rochers qui formait comme une jetée naturelle, le bouchon de cristal flottait sur les eaux tranquilles. Une dizaine de Marocains s'agitaient de tous côtés. Deux d'entre eux maintenaient une passerelle que Don Luis et François franchirent un instant après. Dans une des cabines, arrangée en salon, Véronique était étendue sur une chaise longue. Son pâle visage gardait la marque des souffrances inexprimables qu'elle avait endurées. Elle semblait très faible, très lasse, mais ses yeux pleins de larmes brillaient de joie. François se jeta dans ses bras. Elle éclata en sanglots sans prononcer une parole. En face d'eux, tout va bien, assis sur son derrière, battait les pattes et les regardait, la tête un peu de côté. « Maman, dit François, Don Luis est là. » Elle saisit la main de Don Luis et l'embrassa longuement, tandis que François murmurait. « Et vous avez sauvé maman, vous nous avez sauvés. » Don Luis l'interrompit. « Veux-tu me faire plaisir, mon petit François ? Eh bien, ne me remercie pas. Si tu as besoin de remercier quelqu'un, tiens, remercie ton ami, tout va bien. » Il n'a pas l'air d'avoir joué un rôle très important dans le drame, et cependant, en opposition avec le mauvais homme qui vous persécutait, c'est lui qui fut le bon génie, discret, intelligent, modeste et silencieux. C'est vous aussi. Oh, moi je ne suis ni modeste ni silencieux, et c'est pour cela que j'admire, tout va bien. Allons. Tout va bien, suis-moi, et renonce à faire le beau. Tu risquerais d'y passer la nuit, car ils en ont pour des heures à pleurer ensemble, la mère et le fils.